pas si fort que ça. J'ai vu des orages dans leurs bras et des larmes entrer dans leur cœur et ne jamais ressortir. Mes parents ne sont pas si forts que ça. Un jour, ils m'ont laissé seul hurler dans la plaine et ont mis des chagrins et des lunes à venir me consoler. Mes parents ne sont pas si forts que ça. J'ai entendu leur voix dégringoler et se casser, la gorge rougie, les yeux rougis comme un feu qui s'embrase. Mes parents ne sont pas si beaux que ça. Ils ont pour l'autre des regards absents, des mots pour arrondir leurs lèvres, pour un baiser, pour un peu de fièvre. Mes parents ne sont pas si forts que ça. Ils m'ont oublié tout à fait dans la plaine, les bras tendus entre deux cœurs en morceaux. Mes parents ne sont pas si forts que ça. L'un me quitte, l'autre se déchire, l'autre me serre fort, l'un se déchire, l'un m'embrasse, l'autre me quitte. Mes parents ne sont pas si beaux que ça. Ils se regardent du bout des cils, se croient, se frôlent pour la valise. Et j'attends n'importe quelle main ou qu'elle m'emmène, ou qu'elle m'emmène.